Premier livre de Samuel, chapitre 22. Or David partit de là, et se sauva dans la caverne d'Adullam, ce que ses frères et toute la maison de son père ayant appris, ils descendirent là vers lui. Tous ceux aussi qui étaient mal dans leurs affaires, et qui avaient des créanciers dont il était tourmenté, et qui avaient le cœur plein d'amertume, s'assemblèrent vers lui, et il fut leur chef, et il y eut avec lui environ 400 hommes. Et David s'en alla de la Mitzpé de Moab, et il dit au roi de Moab, « Je te prie que mon père et ma mère, se retirent vers vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les amena devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui, tout le temps que David fut dans cette forteresse. Orga le prophète dit à David, « Ne demeure point dans cette forteresse, mais va-t'en, et entre dans le pays de Juda. » David donc s'en alla, et vint en la forêt d'Héré. Et Saül apprit qu'on avait découvert David, et les gens qui étaient avec lui. Or Saül était assis au coteau sous un chêne à Rama, ayant sa hallebarde dans sa main, et tous ses serviteurs se tenaient devant lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient devant lui, « Écoutez maintenant, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à vous tous des champs et des vignes? Vous établira-t-il tout gouverneur sur milliers, et sur centaines? Que vous ayez tous conspiré contre moi, et qu'il n'y ait personne qui m'avertisse, que mon fils a fait alliance avec le fils d'Isaïe, et qu'il n'y ait aucun de vous qui ait pitié de moi, et qui m'avertisse, car mon fils a suscité mon serviteur contre moi pour me dresser des embûches, comme il paraît aujourd'hui. » Alors Doeg du Méen, qui était établi sur les serviteurs de Saül, répondit, et dit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nobveraïm et les fils d'Aïtub, qui a consulté l'Éternel pour lui, et lui a donné des vivres, et l'épée de Goliath le Philistin. » Alors le roi envoya appeler Ahimelech le sacrificateur fils d'Aïtub, et toute la famille de son père, savoir les sacrificateurs qui étaient à Nob, et ils vinrent tous vers le roi. Et Saül dit, « Écoute maintenant, fils d'Aïtub, » et il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Alors Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe, vu que tu lui as donné du pain, et une épée, et que tu as consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi pour me dresser des embûches, comme il paraît aujourd'hui? » Et Ahimelech répondit au roi, et dit, « Entre tous tes serviteurs y en a-t-il un comme David, qui est fidèle, et gendre du roi, et qui est parti par ton commandement, et qui est si honoré en ta maison? Et je commençais aujourd'hui à consulter Dieu pour lui? À Dieu ne plaise que le roi ne charge donc d'aucune chose son serviteur, ni toute la maison de mon père, car ton serviteur ne sait chose, ni petite ni grande de tout ceci. » Et le roi lui dit, « Certainement tu mourras, Ahimelech, et toute la famille de ton père. » Alors le roi dit aux archers qui se tenaient devant lui, « Tournez-vous, et faites mourir les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont aussi de la faction de David, parce qu'ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et qu'ils ne m'en ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent point étendre leurs mains, pour se jeter sur les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi, et te jette sur les sacrificateurs. » Et Doeg du Méen se tourna, et se jeta sur les sacrificateurs, et il tua en ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Et il fit passer Nob, ville des sacrificateurs, au fil de l'épée, les hommes et les femmes, les grands et ceux qui têtent, même il fit passer les bœufs, les ânes, et le menu bétail au fil de l'épée. Toutefois un des fils d'Ahimelech, fils d'Ahitub, qui avait nom Abiathar, se sauva, et s'enfuit auprès de David. Et Abiathar apporta à David, que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Et David dit à Abiathar, « Je connus bien en ce jour-là, puisque Doeg du Méen était là, qu'il ne manquerait pas de le rapporter à Saül, je suis cause de ce qui est arrivé à toutes les personnes de la famille de ton père. Demeure avec moi, ne crains point, car celui qui cherche ma vie, cherche la tienne, certainement tu seras gardé avec moi. »